Chapitre 10. Crucifixion des martyrs. Leurs dernières paroles, leur mort. Vénération des fidèles, relique des martyrs. Les croix du Japon ont vers le bas une pièce de bois en travers, sur laquelle les patients ont les pieds posés, et au milieu une espèce de billot sur lequel ils sont assis comme à cheval. La croix romaine sur laquelle mourut le Sauveur avait la même forme. On attache les condamnés avec des cordes ou avec des menottes en fer par les bras et par le milieu du corps, par les cuisses et par les pieds qui sont un peu écartés. On tient le cou droit au moyen d'un collier de fer. Quand ils sont ainsi attachés, on élève la croix et on la place dans un trou. Ensuite, le bourreau prend une sorte de lance et en perce de telle manière le crucifié qu'il l'a fait entrer par le côté et sortir par l'épaule. Quelquefois, cela se fait en même temps des deux côtés. Et, si le patient respire encore, on redouble le coup sur le champ, de sorte qu'on ne languit point dans ce supplice. On allait commencer l'exécution. Tout était prêt. Un bourreau se tenait auprès de chaque croix. Les martyrs y furent attachés, en peu de minutes, et les croix plantées en terre, à trois ou quatre pas l'une de l'autre. Il n'y eut un peu de difficulté que pour le crucifixion de saint Paul Miki. On n'avait pas fait attention à la petitesse de sa taille, de sorte que, lorsque ses pieds s'appuyaient sur les bras inférieurs de la croix, on ne pouvait pas le placer à cheval sur la cheville du milieu, qui devait surtout soutenir le poids de son corps. Pour y suppléer, un des exécuteurs voulut l'attacher à la croix d'autant plus fortement par le milieu. Il prit donc sa ceinture, la lui plaça sous les aisselles, et un autre bourreau, pour aider à serrer, appuya le pied sur la poitrine du martyr. Le père Pasio, témoin de cette barbarie, pria le deuxième bourreau d'user de plus d'humanité. « Laissez-le faire, dit le saint confesseur, il fait bien. » Tous les martyrs avaient le visage tourné vers Nagasaki. Les pères et frères franciscains étaient au milieu, et 10 japonais d'un côté et 10 de l'autre. Les Européens avaient obtenu de Fasaburo Dono que la place d'honneur fût donnée à leurs compatriotes. Voici quel était l'ordre en allant de l'est à l'ouest dans lequel ils étaient placés. Premier, François Failante, charpentier, marié, converti depuis 8 mois par un jésuite. Kôme Takegia ou Takia, remouleur de glaive, marié, converti depuis peu par un jésuite, catéchiste. Pierre Sukejiko ou Sukejiro, domestique chez les jésuites de Meako. Michel Kozaki, fabricant de flèches, marié, père de Thomas Kozaki, demeurant à côté des frères franciscains à Meako, baptisé probablement par eux. Le frère Jacques Kisai, âgé de 64 ans, novice de la Compagnie de Jésus. Le frère Paul Miki, âgé de 33 ans, religieux catéchiste de la Compagnie de Jésus. Ibarki, frère aîné de Léon Karazuma et oncle du jeune Louis, converti depuis peu par un jésuite, marié, interprète des franciscains. Le frère Jean-Swan de Goto, âgé de 18 à 19 ans, novice de la Compagnie de Jésus. Louis Ibarki, âgé de 11 à 12 ans, neveu de Paul Ibarki et de Léon Karazuma, converti par les franciscains. Antoine, issu d'un père chinois, natif de Nagasaki, âgé de 13 ans, baptisé dans son enfance, élève des jésuites. Le père Pierre Baptiste, âgé de 52 ans, espagnol, arrivé au Japon en 1593, commissaire ou supérieur de tous les franciscains au Japon. Le père Martin de Aguirre ou de l'Ascension, âgé de 30 ans, basque franciscain, arrivé au Japon en 1596. Le frère Philippe de Las Casas ou de Jésus, âgé de 23 ans, franciscain, mexicain, arrivé par suite d'un accident de mer au Japon en 1596. Le frère Gonsalve Garcia, âgé de 40 ans, natif de Bazin dans les Indes orientales, ancien catéchiste des Jésuites au Japon, puis devenu franciscain aux Philippines, retourné au Japon en 1593 avec le père Pierre Baptiste. Le père François Blanco, âgé de 30 ans, franciscain, arrivé au Japon en 1596. Le père François de Saint-Michel ou de Parilla, âgé de 54 ans, espagnol, franciscain, arrivé au Japon en 1593. Mathias, baptisé par les jésuites, demeurant dans le voisinage des franciscains de Meako. Léon Karazuma, ancien bonze, baptisé vers 1590 par les jésuites, frère de Paul Ibarki et oncle de Louis Ibarki, domestique et interprète chez les franciscains de Méaco. Ventura, natif de Méaco, baptisé dans son enfance par les jésuites. Devenu orphelin, il passe 20 années dans une bonzerie, puis, se rappelant son baptême, il se fait de nouveau recevoir dans l'église par les franciscains dont il devient le domestique. Thomas Kozaki, fils de Michel Kozaki, âgé de 14 ans, baptisé à l'âge de 11 ans, catéchiste chez les franciscains. Joachim Sakakibara ou Sakiyé, âgé de 40 ans, marié, garde-malade et aide-cuisinier chez les franciscains. François, médecin à Méaco, âgé de 46 ans, marié. Thomas Danki ou Idanki, ancien chrétien baptisé par les jésuites, interprète des franciscains de Méaco. Jean Kimoya ou Kizuya, récemment baptisé, marié, fréquentant l'église des franciscains de Méaco. Gabriel Duisco ou serviteur, âgé de 19 ans, converti et baptisé par les franciscains. Paul Suzuki ou Suzaki, élève des jésuites et interprète des franciscains à Méaco. Rien de plus touchant que ce spectacle, ou plutôt ce triomphe de la foi. 26 martyrs, de tout âge, de toutes conditions, de divers pays, attachés à des croix et manifestant leur joie, et par leurs paroles et par les traits sereins de leur visage. Un bourreau placé à côté de chacun d'eux. Faza Bourreau d'Ono donnant des ordres. Les pères Pazio et Rodriguez allant d'un confesseur à l'autre et les animant tous à la persévérance. Une haie de soldats contenant la foule immense de chrétiens et aussi d'infidèles qui étaient rangés tout autour. On estima que cette foule montait à 4000 personnes et dans la ville de Nagasaki, placée au pied de la colline, les fenêtres, les loges, les toits couverts de monde, tenant les yeux fixés sur la longue série de croix. Le père, Pierre Baptiste, absorbé en Dieu, tenait les yeux levés vers le ciel. Pendant que le bourreau attachait ses bras avec un anneau, il avait plié un de ses doigts vers le milieu de la palme de sa main et dit « Mon frère, frappez ici un clou ». Le père Martin chantait des psaumes et le verset « En vos mains, Seigneur, j'abandonne mon esprit ». Le père François Blanco remerciait Dieu d'une voix très claire. Le frère Gonsalve récitait à haute voix le pater et l'ave. Le jeune Antoine chantait le psaume « Enfant, louez le Seigneur », qu'il avait appris au catéchisme à Nagasaki. D'autres exhortaient les chrétiens qui étaient le plus près d'eux à vivre saintement. Un de ces chrétiens criait au jeune Louis « Courage, Louis, bientôt vous serez en paradis ». Et l'enfant, par un tressaillement des doigts et de tout le corps, ainsi que par un doux sourire, manifesta toute la joie de son âme. La plupart invoquaient les saints noms de Jésus et de Marie. Saint Jean de Gotteau, dès qu'il sut quelle croix lui était destinée, s'était dirigé vers elle d'un pas précipité. Il étonna les spectateurs par le courage qu'il montra sur le gibet. Préoccupé du salut d'autrui, il exhorta ses voisins, les deux Ibarchi, Paul et le jeune Louis, à ne pas faiblir, lorsqu'ils étaient si près de saisir la couronne. Quand le père Rodriguez lui dit à lui-même d'être généreux jusqu'au bout et de ne plus se permettre aucune négligence, il lui répondit « Mon père, vous pouvez maintenant compter sur moi. » Personne dans ce dernier combat ne se distingua davantage que Paul Miki. Considérant sa croix comme la chair la plus honorable d'où il put faire entendre sa voix, il s'adressa aux spectateurs et leur dit « Je demande que tous ceux qui sont ici présents veuillent m'écouter. Je suis japonais et religieux de la compagnie de Jésus. » Je meurs pour avoir annoncé l'Évangile. Je suis heureux de pouvoir mourir pour cette cause et je remercie Dieu de cet insigne bien fait. » Puis il ajouta. Arrivé au terme de ma vie, je ne pense pas que personne s'imagine que je veuille mentir en ce moment. Je vous déclare donc qu'il n'y a qu'une voie qui mène au salut. C'est celle que suivent les chrétiens. La loi chrétienne me fait un devoir de pardonner à mes ennemis et à tous ceux qui m'ont offensé. C'est aussi de grand cœur que je pardonne à l'empereur et à tous ceux qui sont cause de ma mort. Je désire que tous se sauvent et je les supplie de se faire baptiser. » Après, il se mit à exhorter les autres martyrs à montrer du courage jusqu'au bout. Il pria aussi quelques chrétiens de saluer de sa part un certain nombre de personnes absentes. Alors 4 bourreaux tirèrent leurs lances d'une sorte de fourreau. À la vue de ces lances, « Jésus, Marie !» s'écria la foule immense de fidèles qui étaient là. Puis on entendit sortir de cette multitude attendrie des sanglots et des cris de douleur qui semblaient monter au ciel et que l'évêque du Japon entendit au collège de Nagasaki. Les bourreaux, en très peu de minutes, eurent fini de donner les 2 coups accoutumés au saint martyr, et si quelqu'un donnait encore signe de vie, ils lui emportèrent un 3e. Le frère Philippe de Jésus fut exécuté le 1er, le père Pierre-Baptiste le 1er. Cette circonstance permit à celui-ci de donner la bénédiction à tous ses compagnons, avant leur mort. Il la donna aussi au bourreau lorsqu'ils s'approchèrent de sa croix. En faisant cet acte sacerdotal, on le vit mouvoir la main du mieux qu'il put. Il expira en disant « Vos mains, Seigneur, j'abandonne mon esprit ». Avant qu'on portât à Paul Mickey le coup fatal, il dit la même prière, ainsi que la prière pour les agonisants. « Saint de Dieu, venez au secours !» et d'autres du même genre. Jean Swan et Jacques Kissaï dirent en recevant la mort Jésus-Marie. Plusieurs autres martyrs firent la même invocation. Il paraît qu'elle était sans cesse sur les lèvres des chrétiens japonais. À peine les derniers coups de lance furent-ils donnés que les gardes ne furent plus les maîtres. En vain essayaient-ils d'écarter la foule à grands coups de bâton. On n'y prenait pas garde. On se précipitait autour des croix. Le père de Jean Swan courut à celle de son fils et ses habits furent teints du sang de son fils bien-aimé. Un chrétien pour recueillir le plus de sang possible de Paul Mickey élargit un des plis de son vêtement de soie et atteignit ainsi son but. Les autres fidèles, avec une ardeur incroyable, recevaient le sang des martyrs dans leurs mouchoirs, grattaient et ramassaient la terre qui en était imbibée, arrachant des morceaux de vêtements des martyrs. Chacun voulait avoir une relique d'eux. Les idolâtres, à leur tour, témoignèrent une grande estime pour une religion qui inspirait tant de joie à ceux qui en étaient les victimes, et une si sainte jalousie à ceux qui en étaient les spectateurs. Faza Burodono, pour faire cesser ses marques de vénération, fit chasser tout le monde à coups de bâton, mais il ne sut se garder lui-même de l'attendrissement qui gagnait tous les témoins de ce spectacle inusité. Il se retira chez lui les larmes aux yeux. Dès qu'il fut parti, la foule qui était retournée à Nagasaki revint à la Sainte Montagne chercher des reliques. Les habits des saints martyrs, surtout des neuf religieux, furent tellement mis en pièces que le proviseur de la confrérie de la Miséricorde crut devoir par décence faire couvrir de nattes leur corps sacré. La foule ne fit qu'augmenter, on arrivait peu à peu même de cantons éloignés. Faza Burodono se vit contraint de faire barrer le chemin par un double rang de soldats. Et, craignant que malgré toutes ses défenses, on enleva les cadavres, il rendit les officiers qui commandaient les gardes responsables sous peine de vie de la conservation des corps. Ces mesures ne suffirent pas pour mettre un terme à la piété des chrétiens. Sous prétexte d'affaires, ils se faisaient ouvrir le passage et se rendaient dans l'enceinte sanctifiée par le sang de ces glorieux martyrs. Sur le soir, l'évêque, à qui Faza Burodono n'avait pas voulu permettre d'assister les martyrs à la mort et qui les avait vus mourir de la fenêtre du collège, vint avec tous les jésuites de Nagasaki se prosterner au pied de leur croix et donner à leur sacrée relique les marques d'une vénération religieuse. Un apostat qui avait contribué à leur condamnation ne put voir pratiquer tant de vertus jusqu'au dernier soupir, ni surtout entendre le frère Paul Mickey pardonner à ses bourreaux et demander leur conversion, sans se reprocher son infidélité et sa perfidie. La grâce agit si puissamment sur son cœur qu'ayant aperçu le Portugais qui lui avait servi de parrain, il courut à lui, l'embrassa en pleurant amèrement, lui avoua ses crimes et prit avec lui de justes mesures pour rentrer dans le sein de l'Église. L'usage existait au Japon de laisser les corps des suppliciés attachés au gibet jusqu'à ce qu'ils tombassent en lambeaux. Grâce à la rigueur d'un hiver très sec et très froid, les corps se conservèrent pendant 2 mois. Durant ce temps, on arriva de tout le Ximo pour vénérer les saints. On y vit entre autres Jean, roi d'Arima, et Sanche, seigneur d'Omura. Celui-ci, la veille du martyr, avait reçu de Paul Mickey une lettre dans laquelle il l'exhortait à la fermeté dans la foi et à la pratique de la sainte présence de Dieu. En recevant cette lettre, Sanche, à la manière japonaise, l'avait mise sur sa tête en signe de respect et couverte de baisers. Dorénavant, il la considérait comme une relique. Cela ne lui suffisait pas. Il pria l'évêque de lui envoyer le corps du saint martyr quand on le pourrait avoir. On ne put empêcher ces grands personnages d'entrer dans l'enceinte sacrée. Il en était autrement pour la foule. Faza Burodono avait fait entourer le lieu du supplice d'une palissade, gardée par 2 corps de soldats armés. Cette barricade et cette garde ne furent pas toujours suffisamment respectées. Le bruit courut de plus que les Espagnols avaient résolu d'enlever les corps des franciscains pour les porter à Manille, et les Portugais, ceux des jésuites, pour les envoyer à Macao. Pour prévenir ce coup de main et faire cesser le concours des fidèles, Faza Burodono menaça de brûler toutes les maisons des chrétiens de Nagasaki et de faire sentir son courroux à toute la chrétienté du Ximo si quelqu'un osait toucher aux soldats. Cette menace obligea l'évêque de défendre, sous peine d'excommunication, de passer les barricades. Cela eut son effet. Les chrétiens de Nagasaki se contentèrent d'aller en petite bande et non en foule, comme auparavant, rendre de loin leur devoir au corps des martyrs. Ils lisaient avec une certaine fierté nationale la sentence de condamnation des saints martyrs, que Faza Burodono avait fait peindre sur des planches et placée dans l'enceinte palissadée. Les missionnaires faisaient la remarque que l'Église n'avait qu'à faire insérer cette pièce dans une bulle et que nos saints étaient déclarés martyrs. L'évêque, Pierre Martinez, saisit la première occasion pour annoncer aux îles Philippines les glorieux événements de Nagasaki. En date du 27 février, il écrivit au père Jean de Garo-Villas, ministre de la province de Saint-Grégoire, aux îles Philippines, une lettre où il parle des 26 crucifiés comme de martyrs. En même temps, lui-même et les jésuites s'occupèrent avec un soin minutieux de recueillir les moindres détails sur les 26 martyrs. Le père Froese, missionnaire au Japon depuis 34 ans et rédacteur d'un grand nombre de lettres édifiantes du Japon, fut chargé d'écrire leur histoire. Nous ne croyons pas exagérer en disant qu'il n'existe pas d'acte de martyr mieux composé. Les analystes de l'ordre de Saint-François conviennent qu'il l'emporte éminemment sur les écrivains de leur ordre qui ont essayé de faire le même récit. Tout y est précis, simple, bref, nourri. C'est la source principale à laquelle nous avons puisé. Le père Froese mourut 5 mois après les saints martyrs. Au printemps, lorsque les membres et les ossements se furent détachés, le père Pierre Gomez, vice-provincial, les fit recueillir par des chrétiens dans des caisses séparées et placées dans l'église des jésuites de Nagasaki. Quelque temps après, les reliques des martyrs franciscains furent portées avec l'assentiment de Taiko-sama à Manille, celles des jésuites à Macao. Nous n'avons pas à rechercher ni à énumérer tous les endroits où ils s'en conservent à présent. Nous dirons seulement qu'un des pieds de Saint-Jean-Souan ou de Goto se conserve au noviciat de Tronchienne.